directement du mois d'avril 2009. Bienvenue à C'était fou. Bonjour et bienvenue à l'émission C'était fou, mon nom est Mathieu Plante. C'était fou a pour mission de se frayer un chemin à travers la magique discothèque de C'est fou depuis ses débuts le 7 septembre 1997. À chaque fois qu'on se rencontre, une semaine est choisie. Cette fois-ci, c'est la semaine du 17 au 23 avril 2009. On va entendre des extraits des top 3 francophones et anglophones avec des artistes et des groupes tels que Marie-Pierre Arthur, Le Roi Poisson, Malajube, Gentleman Reg, Black Diamond Bay et Parler. On va aussi écouter un extrait d'une émission qui était en onde pendant la semaine choisie. On parle dans ce cas-ci de l'émission La Belle et le Mieux, animée par Maxime Lemuller-Amé et Stéphanie Bastien. Alors, une belle heure de nostalgie pour nos auditeurs de longue date et de découverte pour les nouveaux. On commence, comme toujours, avec le top 3 franco et anglo. Du côté anglophone, en troisième place, c'est Black Diamond Bay avec Brothers in Exile. Mais on débute en francophone, voici Malajube et les Colamboles sur leur album Labyrinthe. C'était la position numéro 3 du palmarès francophone pour la semaine du 17 au 23 avril 2009. Yeah. La pièce Brothers in Exile de la formation Black Diamond Bay en troisième position anglophone pour la semaine du 17 au 23 avril 2009. Je dois vous dire, moi, personnellement, que c'était perdu dans mes souvenirs, ce Black Diamond Bay. Pourtant, ça fait que quelques années, à peine très courtes années. J'avais complètement oublié ça, mais c'est très bon, ça. Black Diamond Bay. Avant, du côté franco, en troisième, c'était Malajube avec, en fait, formation qui a un nouvel album qui s'en vient en 2011, La Caverne. Celui-là datait de 2009. C'était sur Labyrinthe qu'on a entendu la pièce Les Colamboles pour débuter le bloc. On est rendu aux deuxième positions. Du côté anglo, ce sera Gentleman Rage avec Coastline sur l'album Jet Black. Mais on débute avec notre ami Marie-Pierre Arthur. Voici pourquoi. Ah, c'était fou. L'émission qui rembobine, c'est fou. Jusqu'en 2009, le bouton, il est tanné. Il va pas bien loin. Je trouve 2009, c'est comme... C'est récent, ça. Mais c'est bon. Les nuits étranges m'observent et restent là, accrochées en haut de mon toit. Elles se moquent de moi encore une fois. Imposant leur triste routine, ma carcasse lourde frôle l'inutile, trop fragile pour te faire signe, et mon sourire s'envole. Send me to be there. Gentleman Reg et la pièce Coastline. Excellent, ça. Ça me rappelle les souvenirs. Et ça, c'était sur l'album Jet Black. Avant, en deuxième francophone, c'était Marie-Pierre Arthur avec Pourquoi sur son album homonyme. Si on parle un petit peu de ces deux pièces, Gentleman Reg, bon, mais passager, hein, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Et on n'a pas entendu d'autres pièces de cet album Jet Black dans le palmarès. Marie-Pierre Arthur, ça a joué beaucoup. Évidemment, elle a fait son chemin depuis. On l'entend pas mal partout, même qu'à l'épicerie. Là, on a entendu sa pièce chez Radio Épicerie. On est rendu aux positions numéro 1 du côté anglophone. On va entendre Parler avec Pen to the Paper, Parler ou encore Parlover, dépendant, parce qu'ils écrivent leur nom avec un V à la place du U, comme dans l'ancien alphabet. On débute par contre en francophone, voici Le Roi Poisson et l'extrait Le Con. Et on se gâte avec l'introduction du disque avant, parce que ça me tente, c'est moi qui fais cette émission-là. Ouh, Le Roi Poisson, ah, bleu, bleu, bleu, bleu. Vous êtes assez t'es fou, on rembobine, c'est fou, jusqu'en 2009. We'll be right back. Les positions numéro 1 du palmarès de C'est fou pour la semaine du 17 au 23 avril 2009. Ça, c'était Parler avec Pen to the Paper. Et du côté francophone, c'était Le Roi Poisson avec Le Con. Parlons un petit peu de ces numéros 1 qu'on vient d'entendre du côté anglo. Donc, Parler, on a joué seulement une pièce 2, malheureusement. Pourtant, c'était vraiment une très, très bonne pièce. Moi, je l'adorais. Je sais que ça n'a pas fait l'unanimité, Parler, mais bon. Avant, Roi Poisson, très bon disque, mais pièce oubliée. Celle-là, c'est pas celle qu'on a retenue le plus de nos amis du Roi Poisson. Moi, je pense qu'on reconnaît un petit peu plus Croque-Mort, peut-être, ou Mon Robot. Des trucs comme ça sur cet album-là, mais c'est très, très bon. Voilà pour la fin de la première moitié de C'était fou. Dans la deuxième, on a un extrait d'une émission qui était à l'époque pendant la semaine du 17 au 23 avril 2009, c'est-à-dire La Belle et le Mieux avec Maxime Lemieux-Aramé et Stéphanie Bastien. Restez avec nous, C'était fou. C'est fou dans vos oreilles. 89. De retour à C'était fou, l'émission qui rembobine C'est fou. Cette fois-ci, on a choisi la semaine du 17 au 23 avril 2009. On est rendu à notre bloc extrait d'émission. C'est donc le moment d'écouter, hein, et je vous apprendrai rien ici, un extrait d'une émission qui était en onde pendant la semaine choisie. On parle de La Belle et le Mieux, animée par Maxime Lemieux-Aramé et Stéphanie Bastien. Maxime, que vous connaissez d'Assemblage requis maintenant. On va écouter un petit extrait d'émission et puis on s'en reparle après. C'est une diffusion originale du 21 avril 2009. Belle et le Mieux, l'émission de musique émergente francophone. Bienvenue à la dernière émission de La Belle et le Mieux, votre émission de musique émergente francophone. Vous êtes en compagnie de Maxime Lemieux-Laramé et de la superbe Stéphanie Bastien. Est-ce que ça paraît que je viens de penser à l'adjectif? Alors, comment ça va, Stéphanie? Ça va bien, toi? Ouais, t'as l'air triste que ce soit la dernière. Ben, je suis triste que ce soit la dernière. Je suis triste qu'il mouille et je suis triste pour les Canadiens. Ah, la défaite, mais autre ça, ça va. Ça va? Oui. Non, mais c'est ça, on dit que c'est la dernière, mais on risque de revenir cet été, là. Ouais, ça se pourrait. Ouais, on va peut-être faire un retour. Alors, on se lance tout de suite en musique, dans le premier bloc de la dernière émission, avec La Descente du Coude. Mais tout juste avant, une formation qu'on a découvert cette semaine, c'est la formation Bateau Noir. Formation, bon, je vous en parle rapidement, c'est un peu un cumul de plein d'artistes émergents francophones. Je vous fais la liste rapidement. C'est instrumental, donc il n'y a pas de chanteur, mais il y a Jean-François Minot qui joue de la batterie aussi avec Bivouac. Il y a Rémi Nadeau qui est guitariste pour Hot Springs. Il y a Pascal DJ qui est le chanteur de Le Nom. Puis il y a Julien Michalak qui est le bassiste de Jacques Mort. Alors, bon, c'est un cumul, c'est ça. Ils ont fait un spectacle ensemble. Puis j'ai entendu dire qu'ils ont même trouvé le nom, la soirée du spectacle. Alors, Bateau Noir, c'est... Puis c'était-tu juste pour une soirée ou non, mais continue? Non, mais je pense que c'est ça. Ils ont fait quelques spectacles, mais il y a rien à venir. Ah, dans le fond, okay. On reste aux aguets. En attente. Mais on se lance tout de suite. Bon, on va vous faire entendre Parade, mais tout juste avant, Mort avant l'heure de Bateau Noir à La Belle et le Mieux sur C'est fou 89.1. à La Belle et le Mieux et l'émission s'achève déjà. Oh, ouais, notre dernière émission. Hey, c'est quand même triste. Tu trouves? Un peu quand même. Bon, on va revenir. Ah, ok, d'abord, c'est correct. Et là, ah, on n'a pas eu de coup de cœur. Non. Alors, nous sommes vos coups de cœur cette semaine. Ah, mais t'as-tu la toune? Hein? T'as-tu préparé la toune? La toune, ben oui, tout okay. Est prêt. Alors, cette semaine... Ah, oh, le coup de cœur! Non, pas okay. Le coup de cœur, juste la musique cette semaine. Okay, mais pas je de... peux vous faire okay, coup de cœur! Ok, ça va, je t'en ai de tes niaiseries. On se retrouve un jour. Ouais, un jour ou l'autre. Bonne journée. Bonne semaine. C'est fou dans vos oreilles. 89.1. Un extrait de l'émission La Belle et le Mieux, diffusion originale 21 avril 2009, mettant en vedette Maxime Lemieux-Laramé et Stéphanie Bastien. La Belle et le Mieux qui a débuté en janvier 2009, c'était les mardis matins à 10h. Et après ça, comme vous l'avez entendu, c'était à la fin de la session d'hiver. Hein, on termine notre session en avril. Ils se sont essayés à la session d'été, comme ils avaient dit. Ils sont revenus, c'est vrai. Les lundis soirs à 19h, mais ça n'a pas duré très très longtemps par conflit de travail, conflit d'horaire, malheureusement. Par contre, Maxime Lemieux-Laramé maintenant est chroniqueur à l'émission Assemblage requis. Donc écoutez-le pour sa chronique télé. Charge quoi? Vous êtes toujours à C'était fou, l'émission qui rembobine, c'est fou, et on a choisi la semaine du 17 au 23 avril 2009, cette fois-ci. On va entendre un beau petit bloc de trois pièces, pourquoi pas. On va aller, on va rester pas mal moitié franco. Ben, je dis moitié, c'est pas vrai du tout, c'est deux tiers franco et un tiers anglo, voilà. Tout à l'heure, on entendra numéro avec la position numéro 5, Tonton Klaxon. Avant ça, il y aura Gaslight Anthem avec The 59 Sound en quatrième anglophone, et on débute avec Éléphantine, la regrettée formation de Maxime Desbiens-Tremblay. Voici Libérer le génie en quatrième francophone. Vous êtes au 89.1 FM, c'était fou. Entre la vie et la scène, un corridor peuplé d'un bout à l'autre de faux espoirs. Je sers mon coup et j'ai tort d'abandonner le peu qu'il me reste. On vous demandera d'arriver à l'heure. On vous demandera d'être de bon cœur. Et c'est là que vous devrez. Young boys, young girls, young boys, young girls. J'ai détruit la télé. Ouais, comme ça bang. Pas d'introduction, plus d'informations. Et c'est moi le roi sur terre. J'emplis des phrases et moi ça me rend fade. J'pars au Brésil, au modèle bikini. J'emplis des phrases et moi ça me rend fade. J'pars au Brésil, au modèle bikini. Tonton Klaxon de numéro qu'on vient d'entendre ici à C'était fou, émission qui rembobine, c'est fou. Parlons un petit peu de numéro du côté francophone, c'est la position numéro 5, c'est le premier extrait de cet album-là, Sport de combat. Avant, on a entendu, qu'est-ce que c'était? The Gaslight Anthem, oui, avec le premier extrait qui nous a accroché ici à C'est fou. C'était le premier album qu'on recevait d'eux, mais par contre, c'est leur troisième en tout. Et avant Gaslight Anthem, c'était Elephantine, groupe, comme je disais, décédé. En tout cas, il s'est rien passé depuis 2009 et j'avais entendu dire qu'ils étaient morts. J'ai fait mes recherches et j'ai pas trouvé, mais bon, bref, il se passe depuis 2009. L'album a été enregistré à Trois-Rivières, en passant, fait assez intéressant. C'est presque la fin de l'émission. On a le temps pour se faufiler une dernière pièce avant de quitter. Voici donc Antoine Graton avec 500 000 milles. C'était en position numéro 9 du côté francophone pour la semaine du 17 au 23 avril. On écoute ça à l'instant et on revient avec la conclusion de l'émission. Comme toutes les actrices blondes des films américains dans les années 80, tu m'as donné espoir que peut-être un jour ce serait mon tour. Mais à la place, tu m'as regardé dans ma face et tu m'as dit oui quand j'étais devant d'ici. Puis t'es parti sans me dire où tu t'es enfui pendant que j'étais sous. Antoine Graton et la pièce 500 000 milles. Oh, un artiste chouchou ici à Cifou, Antoine Graton. Ça joue beaucoup et d'ailleurs, on est les seuls pas mal au Québec à faire jouer Antoine Graton. Malheureusement, ça devrait jouer beaucoup plus que ça. C'est super accrocheur, pas du tout commercial, mais en même temps très écoutable. C'est sur l'album Le Problème avec Antoine. À l'émission, c'était fou et d'ailleurs, ben c'est déjà tout pour cette édition-là. Ça passe-tu vite, ça? Hein? Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la prochaine fois avec une autre semaine choisie au hasard. D'ici là, vous pouvez retrouver les notes de l'émission et télécharger les balados de diffusion sur assemblagerequis.com. Je remercie le directeur de la programmation et directeur musical Alain Lefebvre pour son aide à la recherche. Je remercie évidemment Maxime Lemieux-Laramé et Stéphanie Bastien pour leur participation grâce à leur flashback à leur émission La Belle et le Mieux. Moi, c'est Mathieu Plante et je vous rappelle, c'est pas parce que l'émission s'appelle C'était fou que ça l'est plus. Hein? On se retrouve la prochaine fois et on se quitte avec The Bird and the Bee qui était du côté anglophone pour la semaine du 17 au 23 avril 2009. C'est la pièce Diamond Dave et j'avais même... une belle petite présentation extrêmement longue à vous lire là-dessus. La fille dans la chanson de The Bird and the Bee parle de David Lee Roth, le chanteur de Van Halen, que la chanteuse semble vénérer. Elle regrettait à l'époque où elle a écrit cette pièce-là son départ du groupe de Van Halen. Dans le fond, David Lee Roth qui avait quitté Van Halen. Mais maintenant, elle doit être contente parce qu'il est de retour depuis 2006 et enregistre en ce moment même, en 2011, l'album de retour qui sera leur premier depuis 1984. Voilà pour The Bird and the Bee et la pièce Diamond Dave. À la prochaine fois. À C'était fou. Bye bye. Show me what you got. I can take it.